Le 25 novembre, c'est aussi la Sainte Catherine, Jean Lebrun, le vif de l'histoire. Cette Sainte Catherine qui risque de passer inaperçue, mais elle a longtemps eu beaucoup d'importance. Sainte Catherine, c'était une martyre, morte déchiquetée sur une roue armée de piques noires, dirait Jeanne Moreau. Oui. Elle était vierge, bien entendu. Son nom est néanmoins associé à la fécondité. À la Sainte Catherine, tout bois prend racine. C'est le moment de planter des arbres. Alors c'était en réalité une fête très peu religieuse, urbaine, populaire, qui saluait les jeunes filles qui, ayant atteint l'âge de 25 ans, n'étaient pas encore mariées. Il s'agissait de leur montrer que la situation n'était aucunement désespérée. D'ailleurs, un bal, occasion de rencontre, accompagnait la fête, qui avait commencé par un moment clé, le cadeau fait par le groupe à la jeune fille d'un chapeau qu'elle devait porter toute la journée, chapeau le plus extravagant possible qui conjuguait le jaune, la sagesse acquise, et le vert, l'espoir de l'amour à venir. Chapeau qui faisait souvent référence à l'entreprise où il avait été confectionné, ou encore à l'actualité, on a vu des chapeaux de Sainte-Catherine portant la Francisque, puis, après 44, la Croix de Lorraine. C'est dans le petit monde du textile et de la mode, où elle était chômée, que la Sainte-Catherine a le mieux tenu le coup. Un signe tardif, en 86, la mairie de Paris institua ce jour-là une réception à l'hôtel de ville pour les maisons de haute couture. Mais voilà, vous savez Bruno, l'âge au mariage est devenu beaucoup plus tardif, hein, ouais. Et le mariage lui-même beaucoup moins universel. Des féministes d'autres époques avaient pu soutenir cette fête. Elle signifiait en effet qu'il était possible de vivre en travaillant sans mari. Bah, celle d'aujourd'hui porte évidemment davantage l'attention à la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes dont vous parliez et qui est fixée ce même 25 novembre. Par ailleurs, la Sainte Catherine est associée à la Saint Nicolas qui cette année est touchée par la suppression des marchés dits de Noël. Dans l'Est en particulier, ces marchés s'organisaient autour du 6 décembre. Alors vous savez que Saint Nicolas avait sauvé trois garçons du saloir où un boucher les avait décomposés et découpés en morceaux. Ah, mais non content de reconstituer les corps des garçons, il avait aussi fait s'échapper de la prostitution les filles d'un noble ruiné qui voulait les y plonger. Alors il se trouve que la légende de Saint-Nicolas, évêque en Anatolie, et celle de Sainte-Catherine, martyre à Alexandrie, situe à l'est de la Méditerranée, et à un siècle seulement de distance. Donc une tradition a pu s'établir, sans trop d'invraisemblance, qui affirme que Sainte-Catherine manquant d'aiguille, Saint-Nicolas lui en a apporté. En clair, les Catherinettes en chapeau recevaient souvent l'hommage des garçons, porteurs de la crosse de l'évêque Nicolas. Et à Paris, ils s'en allaient d'ailleurs bras dessous à la réception de l'hôtel de ville. Pour aller planter un arbre. Voilà, cette année, le problème, c'est que la Saint-Nicolas passe à l'as, on n'en a plus pour le Black Friday. Ben oui, la Saint-Nicolas qui, pour les enfants de l'Est de la France, signifiait l'irruption de la lumière. Ouais. Dans une période où le soir tombe tôt, va se retrouver au milieu de la Black Week, davantage. La Saint-Nicolas sera la veille du Cyber Monday, lequel plongera dans l'ombre la fête des Lumières qui ne pourra être célébrée à Lyon. Qui a dit que l'influence américaine diminuait? Tiens, demain, c'est Thanksgiving. Trump va sauver du sacrifice ses deux dernières dindes. Thanksgiving, c'était devenu, avant même qu'on pense au Black Friday, le déclencheur des achats de fin d'année aux États-Unis. Le président Roosevelt l'a pérennisé à la date où il se situe maintenant, pour lutter contre la dépression des achats et activer le commerce le plus tôt possible en fin d'année. Enfin, nous sommes quelques-uns, je ne sais pas si vous en êtes, Bruno, à regretter, malgré son incongruité, la frugalité de feu la Sainte-Catherine. Et on embrasse les Catherines. Merci Jean Lebrun.